Le conte de la fille du saule blanc, traduit de l'arménien par Frédéric Maclair. Il y avait autrefois, dans le village de Hougouzel, un homme riche qui n'avait pas d'enfant, et cela le tracassait. Un jour, en y réfléchissant, il se dit « Serait-ce parce que j'ennuie les gens de ma maison que Dieu ne me donne pas d'enfant ?» Plongé dans ses réflexions, il éprouva le besoin de prendre l'air, et sortit pour faire une promenade avec un aga de ses amis. Au cours de cette promenade, il rencontre un derviche et le salue. « Le salut de Dieu soit sur toi, » répond celui-ci. « Et comment sais-tu que je suis seigneur ou aga ?» lui réplique l'homme riche. « Je connais ta situation, » répond le derviche. « Je sais que tu n'as pas d'enfant et que tu te demandes si ce n'est pas à cause des ennuis que tu causes aux gens de ta maison que tu n'en as pas. Et c'est à ce sujet que vous êtes sorti et que vous vous promenez. Mais je puis te rassurer, sache que les gens de ta maison sont très satisfaits de toi. Voici un conseil que je te donne. Si vous allez un peu plus loin, vous rencontrerez un ruisseau et vous verrez une pomme que le ruisseau entraîne. Prends cette pomme, fais-en manger la pelure à ton cheval et la chair à ta femme. » Puis il ajouta la recommandation de ne pas donner de nom à l'enfant qui lui naîtrait jusqu'à son retour. À ces mots, le derviche disparut aux yeux de l'aga. L'aga et son ami continuèrent leur promenade et arrivèrent à un ruisseau où ils aperçurent une pomme qui nageait sur l'eau. L'aga prit la pomme et, de retour à la maison, il fit manger la pelure à son cheval et la chair à sa femme. Suivant la prédiction du derviche, 9 mois plus tard, la femme mit au monde un enfant et le cheval porté. 2 mois à peine s'écoulèrent et le derviche arriva dans la maison. Il commande d'amener l'enfant et le poulain au milieu de la foule. On obéit. Il donne à l'enfant le nom de Bey-Beo-Rek et au poulain celui de Ben-Gi-Boz. Puis il disparaît. Des années passèrent, l'enfant grandit. Un jour que ses camarades se trouvaient tous ensemble, Bey-Beo-Rek leur envoya dire de lui préparer la place qu'il doit occuper. En entendant ce message, l'un d'eux dit « Notre Bey va venir nettoyant sa place. »« Oh !» disent les autres, « à quoi bon nettoyer la place ? Ne dirait-on pas que l'on va recevoir celui qui dispose de la fille du saule blanc ?» dont la tête sert à faire des kiosques et le corps à faire des châteaux forts. Le messager de Bey-Beo-Rek s'empresse d'aller raconter à Bey-Beo-Rek ce qu'il a entendu, et le Bey, humilié, fait demi-tour et rentre chez lui. Il prend une grosse somme d'argent, dit adieu à son père et à sa mère, monte sur son cheval et se met en route. Il va, tantôt vite, tantôt lentement. Il marche ainsi pendant 6 printemps et 6 automnes, et en se retournant, il s'aperçoit qu'il n'a pas plus avancé que de la longueur d'un épi d'orge. Il finit cependant par arriver au pays de la jeune fille du saule blanc et descend en secret chez une vieille femme. Il y reste 7 ans, sans rien dire de son secret à cette femme. Un jour qu'il se promenait aux environs de la ville, il rencontre celle dont la tête ressemble à un kiosque et le corps à un château fort et constate l'exactitude de ce qu'avaient dit ses camarades. Il manquait encore quelque chose pour achever la construction du fort. La peur le saisit. La nuit venue, il dit à la vieille femme « Mère, en me promenant aujourd'hui, j'ai rencontré quelque part une chose qui par sa tête était un kiosque et par le corps un fort. Qu'est-ce que cela peut bien être ?»« Oh, mon fils, » répond la vieille, « ce que tu as vu, c'est la fille du saule blanc, dont la tête a servi à faire un kiosque et le corps un fort. Mais il y manque encore une âme pour que la construction soit parfaite. » « C'est bien cela, » reprend le jeune homme, « ma tête et mon corps compléteraient la construction. » Dès que la vieille eut entendu ces paroles, elle courut la même nuit chez la jeune fille et lui dit « Ma fille, le garçon qui est chez moi est venu pour toi. arrange-toi. De grand matin, bien avant que les coqs aient chanté, et tandis que le jeune homme était encore plongé dans le sommeil, la fille vient frapper fortement à la porte de la vieille. Le jeune homme se lève immédiatement, va vers son cheval et se met à chanter. La fille du saule blanc est arrivée à la porte. Elle a frappé fortement à la porte de la vieille. Elle l'a brisée. Par la permission de Dieu, le cheval se met à parler. Quand la fille du saule blanc vient près de la porte et qu'elle frappe fort pour la briser, « Pense-moi tout de suite !» dit le cheval à son maître. Le jeune homme obéit, monte sur le cheval, lui donne un coup de fouet, court après la fille et l'attrape. « Fille, lui dit-il, si tout en toi est un mystère et tu voulais faire un concours, pourquoi ne m'en as-tu pas prévenu pour que je prenne mes précautions ?»« Garçon, répond la fille, tu es jeune, mais tes paroles portent. Si cela te convient, parle-moi, sinon prends la fuite. » Tandis qu'ils marchaient ensemble, ils voient arriver trois oisillons. « Garçon, dit la fille, tire de ton arc. »« Tire-toi-même, dit le garçon. » La fille tire de son arc et touche l'un des trois oiseaux. En avançant un peu plus loin, il rencontre trois autres oisillons. Bébé Orec tire de son arc et en tue deux. Puis ils arrivent au terme de leur course. Ils font cuire leur butin. Tout en mangeant, la fille dit « Garçon, bois-tu du raki ?»« Si tu bois même du poison, répond bébé Orec, j'en boirai aussi. » Elle offre alors au jeune homme du raki de 7 ans, tandis qu'elle boit du raki de l'année. Aussitôt que le garçon a bu du raki, il perd la tête. Il perd connaissance et la jeune fille s'enfuit. Le cheval attend. Il trouve le temps long. À la fin, perdant patience, il saisit le jeune homme entre ses jambes, le secoue et le fait revenir à lui. Aussitôt, celui-ci se redresse, monte à cheval et arrive près d'une fontaine. Il n'a pas envie de descendre, mais le cheval lui dit « Près de cette fontaine, maître, descends et lave bien ton visage et ta tête. » Le jeune homme obéit. Il descend de cheval, se lave et puis s'écrie « Oh Dieu !» Il remonte à cheval, fouette la bête, et en peu de temps, il rejoint la fille. « Fille, lui dit-il, tout en toi est mystère. Garçon, si cela te convient, reste, sinon, va-t'en. » Ils arrivent près du palais, devant le fort. Le garçon monte vivement les marches, mais le cheval lui dit « mon maître, fais-moi entrer aussi dedans. Pousse-moi et embrasse-moi sur les deux yeux. » Le garçon descend de son cheval, le fait entrer avec lui, le panse, puis se met à regarder au loin. La fille se hâte d'aller en secret chez la vieille. Elle lui dit « Le cheval a amené son cheval chez moi. Il faut que tu fasses l'impossible pour faire mourir son cheval. Alors nul ne pourra rivaliser avec moi. » Aussitôt, la vieille prend une tasse de vin dans lequel elle a mis du poison. Elle la porte au garçon et la lui présente en disant « « Bravo, mon fils, tu as vaincu ton adversaire. Prends cette tasse de vin et bois. » Le cheval s'aperçoit que le jeune homme va prendre le vin des mains de la vieille et le boire. Reculant d'un pas, il donne un coup de pied à la vieille et la fait tourner 9 fois sur elle-même. « Pourquoi as-tu attaché ton cheval ici ? » dit la vieille au jeune homme. « Dans l'écurie de mon maître, il y a beaucoup de chevaux. Renvoie donc celui-ci et choisis-en un pour toi dans l'écurie. » Le garçon ne répond pas à la vieille. Le cheval s'irrite. Le lendemain, la fille ordonne de recommencer la course. Le garçon s'y rend. La fille, avec son bâton, blesse le garçon qui s'en revient, tout sanglant chez lui. Il s'approche de son cheval et lui adresse quelques chants. Le cheval n'y prend pas garde d'abord, mais à la fin, touché par son affection pour son maître, il lui dit « Mon maître, es-tu fou? Es-tu sage? Qu'es-tu? Je ne le sais, au juste. Au moment où la vieille te présentait le vin empoisonné, quand je lui donnais un coup de pied et la fit tourner 9 fois sur elle-même, n'aurais-tu pas dû lui dire je sacrifierai 30 chevaux de ton maître plutôt que le mien. Va, voici ce que tu as de mieux à faire. Attrape un bâton et dis, ô Dieu saint, prends ton bâton et quand la fille te dira, ne t'approche pas, précipite-toi sur elle et ainsi tu remporteras la victoire. Il fit comme le cheval lui avait dit et cela réussit. J'ai encore un autre concours à te proposer, dit la fille au garçon. Celui-ci s'approche de son cheval et lui dit que la fille lui avait parlé d'un autre concours encore, mais qu'il ne sait au juste en quoi ce concours consiste. « C'est d'arrêter des buffles, lui dit le cheval. Voici le moyen de réussir. Au moment où vous serez en train d'arrêter les buffles, 3 grenades tomberont du ciel. Attrape-les avant la fille. Bois-en le jus, puis crache-le. La force se trouve dans les grenades. Emmène-moi avec toi, et si elle te demande pourquoi tu m'as amené, dis-lui que j'étais malade, parce que l'endroit où j'étais attaché est trop froid. » Le garçon fait ce que le cheval lui a dit. Mais le garçon ne s'aperçoit pas du moment où les grenades tombent du ciel. Alors le cheval s'empresse de lui dire « Oh, mon maître, attache-moi, attache-moi à ce sapin. Ne vois-tu pas les grenades qui descendent du ciel ?» À ces mots, le garçon lève les yeux, regarde et voit les 3 grenades qui descendent du ciel. Il en attrape 2 avant la fille, en suce le jus et rejette le reste. Il arrive ainsi à vaincre la fille. Alors il va demander l'autorisation au père de la jeune fille. Il l'emmène dans son pays, au grand désappointement de ses camarades. On célèbre les noces avec grand apparat. Ils se marient et atteignent enfin le but de leur désir. 3 pommes tombèrent du ciel, une pour moi, une pour celui qui écoute, et la 3e pour celui qui apprend. Fin du conte de la fille du saule blanc, traduit de l'arménien par Frédéric Maclaire.